Pierre, Ripensel, demi-soldes et jaunes gilets. Prêtez-moi une oreille pour ouvrir cette bataille sans pareil. Le roi, regardant ses soldats, louait les dieux de ce qu'il voyait là. Si grand foison de casse-cou et tête brûlée. Les plus hardis de son hoste, montés sur coursiers motorisés, tapaient des roues arrière en brandissant. Nous te fagnons à quoi c'est-il. Chez le peuple français, il y avait grand désir de dérompre les soldats pour se venger des destourbiers reçus au temps présent. Et là, une grosse parole. Et reproche moult félonès entre Messire de Valfund et Abdallah de Sarcelles. La bataille commença aux vespres tout tard. Grand froid si et grand petit et donné et reçu maintes orions de ton fade, bat de baseball et d'autres bâtons de guerre. Et nous chargîmes les ennemis. Terre en caviar dans le ciel de projectiles divers. Et nous marchîmes fiers au milieu des tessons, entonnant des chansons, son devise meurtrière.